Je sens que je ne peux plus respirer. Cette pièce sombre m'oppresse. Je veux sortir dehors, il fait si beau. Le ciel est découvert, un paradis dessiné. Dans la nature qui m'offrira sans compter ces délicieuses merveilles vertes sans lâcheté. Les arbres m'entourent, c'est bénéfique. Loin de ce quotidien pas toujours magnifique, mon corpus et mon âme en ont vraiment besoin. Je sens que mon esprit n'en sera que plus sain, que plus sain. Aujourd'hui, c'est samedi. J'ai décidé de marcher dans la nature qui m'offrira sans compter ces délicieuses merveilles vertes sans lâcheté. Dans la nature qui m'offrira sans compter.